بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc le sujet de cette conférence pour ce séminaire sur ceci est notre da'wah. Bien entendu, c'est pour clarifier en même temps la réalité de cette da'wah, la da'wah au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih. Et un des aspects les plus importants à comprendre par rapport à cette da'wah, qui est la da'wah des messagers, la da'wah des sahaba, c'est de comprendre l'importance des ulama et le rôle important que jouent les ulama dans cette umma. Et cet aspect de la religion, et cet aspect de cette da'wah, personne d'entre cette umma peut réellement comprendre et lui donner sa valeur à part les gens de la sunna et les gens qui ont compris la réalité de cette da'wah. Et donc, j'ai décidé de parler de ce sujet-là en me basant sur les écrits de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui fait partie justement de nos grands ulama à notre époque. Et une de ses conférences qui s'intitule « Fadlul ilmi wal ulama », le mérite de la science et des savants, des ulama. Et une autre de ses conférences qui s'appelle « Makanatul ulama wa khuturatu istiqlali shababi anhum », le statut des ulama et le danger pour les jeunes de prendre leur distance ou bien de se séparer, de prendre leur indépendance des ulama. Et donc, j'ai tiré des points bénéfiques de ces deux conférences. Et donc, je vais essayer de transmettre yani, ou de vous faire part de ces points les plus importants, Inch'Allah. Et déjà, le Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, il explique que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a fait l'éloge des hommes de science. Il les a glorifiés. Et il a fait leur éloge dans de nombreux versets dans le Coran. Et également, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait également l'éloge de ceux qui possèdent la science. Et il a clarifié leur statut et leur degré important. Et il a fait connaître leur niveau, leur degré, et également yani, les droits qu'ils ont sur les gens. Yani, quels sont les droits des ulama? Et donc, Allah Azza wa Jal, il nous a fait connaître les droits des ulama. Il nous a fait savoir également qu'ils font partie des guides de cette umma, qu'ils font partie des responsables de cette umma. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, justement, quand il se réfère à Ulul Ilm, ou bien à Ulil Amr, et ceux qui détiennent le commandement dans cette umma, il dit dans le verset dans Sourate An-Nisa, يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Il dit: oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et les ulama de tafsir ont clarifié, comme l'imam al-Tabari, que أولي الأمر, ceux qui détiennent le commandement, ce sont les ulama, les savants de l'islam, et Al-Umara, les dirigeants. Et Allah Azza wa Jal également, pour montrer le mérite des ulama, il a mentionné également son témoignage à propos d'une des choses les plus importantes, et en réalité c'est la chose la plus importante dans cette religion, c'est le Tawhid. Et quand il a témoigné de son unicité. Il a également mentionné le témoignage des anges et le témoignage des hommes de science. Et il dit dans le verset, justement, dans Surat Al-Imran, le verset 18, « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. » C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie, Allah a témoigné que certes, personne ni rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et les anges ont témoigné de cela, ainsi que les détenteurs de la science, établis en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et la question du tawhid, c'est une des questions les plus importantes. C'est la question la plus importante dans l'islam. Et c'est le sujet sur lequel il y a eu les conflits entre les messagers et leurs ennemis parmi les mécréants qui se sont opposés justement à la foi en Allah et à la foi aux messagers. Et Allah Azza wa Jal a témoigné par lui-même, ainsi qu'il a fait témoigner également ses anges, et il a mentionné également le témoignage des hommes de science, du fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et le fait que Allah Azza wa Jal mentionne les hommes de science dans ce genre de témoignage par rapport à la chose la plus importante qui existe dans la religion, eh bien c'est pour en même temps honorer les ulama et montrer le degré élevé qu'ils ont auprès d'Allah Azza wa Jal, puisqu'il a relié le témoignage des ulama à celui des anges et à celui de sa personne, subhanahu wa ta'ala, à propos du tawhid. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit amener les musulmans à réfléchir et à méditer et à comprendre que pour la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a fait ça. Et c'est pour faire connaître aux gens le niveau important et le statut que les ulama occupent dans cette umma et le devoir pour les musulmans de leur montrer le respect et l'honneur qui leur revient et leur degré, faire connaître leur degré élevé. Et le cheikh, il explique et il dit une chose qui est importante. Il dit « Al-ulama, laysa kullu man nusiba ila al-ilm. لا من الكفرة ولا من أهل البدع والضلال ولكن العلماء العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمين نصوص القرآن في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وسياستهم وسائر شؤون حياتهم وفي مواقفهم هؤلاء هم العلماء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة. Donc ça, c'est une clarification qui est extrêmement importante. Il dit que les ulama, ce ne sont pas tous ceux qui sont associés à la science ou toute personne qui s'apparente à la science parmi les mécréants ou parmi les gens de bid'a et parmi les gens de l'égarement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils considèrent que n'importe quelle personne qui possède du savoir et qui a de la science, ils le considèrent parmi les ulama. Ils pensent que ces gens-là ont la même part d'honneur et de respect par rapport à la science qu'ils possèdent que ceux que Allah Azza wa Jal a glorifié dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié dans la sunna. Toutefois, le cheikh, il fait comprendre que non. Les kuffars qui ont de la science et les gens de bid'a qui ont de la science, eh bien, ce ne sont pas de ceux-là dont on parle ici. Ce ne sont pas eux les ulama. Les ulama dont Allah Azza wa Jal parle, ce sont ceux qui sont les ulama du Coran et de la sunna. du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui applique les textes du Coran et de la Sunna dans leurs croyances, dans leur méthodologie, dans leurs adorations, dans les règles de la religion, dans leurs interactions et dans leur politique, dans leur façon de gérer les choses. Et dans tous les autres aspects de leur vie et dans leurs positions, les positions qu'ils adoptent dans les différentes situations, dans les différentes épreuves, hein, et dans tous les aspects de leur vie. Donc ce sont eux dont on parle lorsqu'on parle des ulama, ce sont eux dont Allah Azza wa Jal a fait l'éloge et dont il a mentionné le degré élevé et le niveau important. Également, Allah Azza wa Jal, il mentionne une caractéristique importante des ulama qui les fait être au-devant des autres et qui fait en sorte qu'ils ont un mérite, hein, par-dessus les autres et un degré plus élevé et un statut plus important. Et c'est lorsqu'il mentionne dans le verset 28 dans Surat Fatir, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. C'est-à-dire que parmi les serviteurs d'Allah, c'est uniquement les ulama qui le craignent réellement. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est un degré très élevé et très important dans l'adoration. Le fait d'avoir peur d'Allah, le fait d'être conscient et de rester conscient du fait que Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend, hein, nous surveille. Ça, c'est un degré élevé dans la religion et dans la foi. Et c'est le degré qu'on appelle le degré de Al-Ihsan. Le degré de Al-Ihsan, c'est-à-dire de l'excellence dans l'adoration et de la bienveillance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit en disant « An ta'bud Allah ka'annaka tarah » C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais devant toi. Donc ça, c'est un degré important et c'est seulement les ulama, les savants, qui ont la capacité d'atteindre ce degré-là réellement. Et pourquoi? Parce que ces ulama, ils craignent Allah Azza wa Jal selon et par rapport à la science qu'ils possèdent. Hein? Et on sait que la science qu'ils possèdent, parmi la science qu'ils ont, c'est la science d'Allah. C'est-à-dire ils connaissent Allah par ses noms et par ses attributs. Et c'est la science la plus importante, puisque tu ne peux pas aimer Allah Azza wa Jal sans le connaître. Et tu ne peux pas le craindre non plus sans le connaître. Et plus ta connaissance d'Allah est grande, plus ta connaissance de ses noms et de ses attributs est grande et importante, eh bien, plus ta crainte sera grande également, et plus ton amour d'Allah sera grand également. Et donc, les ulama, ils craignent Allah plus que toutes les autres créatures. Et c'est pour ça qu'ils établissent son adoration, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de la façon la plus parfaite et la meilleure. Et qu'ils sont capables, justement à cause de ça, d'établir les droits d'Allah Azza wa Jal dans tous les aspects de leur vie, justement parce qu'ils connaissent ce que Allah Azza wa Jal a exigé des créatures de la façon la plus profonde. Et ils sont capables également de respecter le droit des autres musulmans parmi les individus ou parmi les groupes, parmi les familles, et de leur faire connaître également les règles de la religion d'Allah et de les rattacher justement à cette religion et de les éduquer sur une éducation qui est islamique et qui est authentique, basée sur une croyance, une aqida qui est authentique et une méthodologie qui est également correcte et sur les nobles comportements de l'islam. Donc ça, c'est les ulama, ce sont eux, les ulama qui craignent réellement Allah Azza wa Jal, parce que la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait justement de sentir et de savoir que Allah Azza wa Jal te regarde et t'observe. Et c'est ce qui fait en sorte que ces ulama, ils ont le sentiment d'avoir justement une responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des êtres humains en général, pas seulement cette Ummah, mais en plus une responsabilité vis-à-vis de l'humanité tout entière, hein, et en particulier également, bien entendu, une responsabilité vis-à-vis de cette Ummah, vis-à-vis de ses familles, de ses individus, dans les droits et les obligations qu'ils ont, hein, et cet aspect de la crainte d'Allah et du fait de rester conscient que Allah Azza wa Jal nous surveille, nous voit et nous observe, eh bien ça les pousse, hein, ça pousse ces ulama à faire plus d'efforts, hein, vis-à-vis d'Allah et de lutter dans son sentier et dans sa voie de la manière yani, qu'il faut, hein, de la manière qui est qui correspond à l'importance de la tâche et de remplir les exigences du message de la révélation qui a été révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils sont capables à cause de cela de remplir leur rôle d'héritier des prophètes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés des héritiers, hein, des messagers, des héritiers des prophètes. Et donc c'est pas étonnant qu'ils soient les héritiers des prophètes. Et ça c'est le témoignage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le meilleur des messagers et le sceau des prophètes, celui qui est venu conclure la révélation à l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il a témoigné à propos des ulama que ce sont eux les héritiers du prophète et il les a décrits ainsi et c'est donc pour montrer leur degré important. Et Allah Azza wa Jal, il nous informe que cette catégorie parmi l'humanité qui sont les ulama, les héritiers des prophètes, Allah Azza wa Jal les élève en degré. Et il dit dans le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie Allah Azza wa Jal, hein, Allah élève ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu, hein, à qui on a donné la science en degré, il les élève en degré. Et donc Allah Azza wa Jal les élève en degré par la science, hein, par la science qu'ils ont reçue, mais pas seulement par cette science, mais également par la pratique, hein, le fait qu'ils ont mis en pratique la science qu'ils ont reçue. C'est pas seulement la connaissance, le fait de savoir beaucoup de choses, mais c'est le fait, yani, d'avoir accepté cette science, de l'avoir cherchée, de l'avoir acquise, et de l'avoir mis en pratique, de l'avoir accepté dans nos croyances, hein, d'avoir la croyance qui est exacte, qui est authentique, d'avoir adopté la méthodologie islamique qui est authentique, de l'avoir adopté également dans nos œuvres et dans notre adoration, dans nos pratiques, de façon authentique. Hein? Et donc, les œuvres, hein, lorsqu'elles sont basées sur cette science, eh bien, c'est là qu'elles deviennent valides, et c'est là qu'elles deviennent importantes et qu'elles ont leur valeur. Mais la science, sans les œuvres, eh bien, ça n'a pas cette importance-là. Puisque le fruit de cette science, ça doit être la pratique et l'application de cette science. Donc, les ulama, ce sont eux qui craignent réellement Allah et qui restent toujours conscients du regard d'Allah sur eux et qui établissent les dépôts et les charges, hein, qu'ils ont comme responsabilité et qui remplissent ces obligations-là et ces responsabilités-là de la manière la plus parfaite, la plus complète. Et en même temps, ce sont ceux qui restent toujours conscients de leurs limitations, de leurs manquements. Et ils ne sont pas en train de se vanter ou de s'exposer hein, pour montrer leur savoir. Contrairement aux philosophes, hein, parmi les koufars, qui essaient de se pavaner devant les gens pour montrer à quel point ils savent beaucoup de choses, hein, comme des chiens savants. Non. Les ulamas de l'islam sont modestes. Les ulamas de l'islam, ils sont conscients de leurs limites, sont conscients de leurs manquements. Donc, ils ressentent toujours en eux-mêmes cette imperfection-là, cette limitation-là. Et ils sont conscients de leurs imperfections et de leurs défauts. Ils adorent Allah Azza wa Jal hein, par la science qu'ils possèdent avec sincérité et avec véracité. Et ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal avec leur sentiment d'incapacité, de faiblesse et de manquement. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont pu donner à cette Ummah comme science bénéfique et comme effort dans la religion, malgré ça, ils gardent toujours en eux-mêmes le sentiment qu'ils n'ont jamais fait assez et qu'ils ne seront jamais capables de faire assez, justement. Donc, ils se regardent toujours eux-mêmes avec un regard critique. Et ils se jugent eux-mêmes et se font des comptes à eux-mêmes. Et ils sont toujours conscients et ils ressentent toujours le manque en eux-mêmes de ne pas avoir établi les droits d'Allah tels qu'ils le méritent. Hein? Donc, ça veut dire que ce sont des serviteurs qui ont yani, cette conscience, cette lucidité vis-à-vis de leur faiblesse et de leur manquement. Et de la limitation dans les efforts. Parce que peu importe qu'est-ce que tu peux faire pour Allah Azza wa Jal, eh bien tu ne pourras jamais faire ce qui est suffisant et ce qui est assez. Et quand on regarde même les messagers, les prophètes et les anges, peu importe qu'est-ce qu'ils avaient pu faire comme œuvre et comme action et comme effort dans la transmission de la révélation, ils se sont toujours sentis limités vis-à-vis du droit d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim selon Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik » C'est-à-dire que je ne pourrai jamais arriver à dénombrer toutes les éloges qui te reviennent, ô Allah, tu es tel que tu t'es glorifié toi-même. Et il mentionnait dans ses invocations, il disait, Allahumma ghfir li khati'ati. Ô Allah, pardonne-moi mes fautes. Donc, il disait, wa jahli, yani, et mon ignorance, wa israfi fi amri, et mes dépassements dans mes affaires. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي et ce que tu connais plus hein, que moi également à ce sujet-là. Donc c'est pour dire que les messagers d'Allah, ils restent ceux qui sont les plus conscients de leurs limites et de leurs manquements. Et les ulamas les suivent dans cela. Et ils sont à l'image et à l'exemple de ces messagers-là dans les tâches et dans les rôles et dans les devoirs et dans les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de cette Ummah. Donc on voit à quel point ils sont sincères vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et comment également ils ont une sincérité envers la Ummah hein, dans la transmission de cette révélation et dans la transmission de l'information et de la connaissance qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir vis-à-vis de ces choses-là. Et comme on le sait, yani, Allah Azza wa Jal, il dit également dans le verset 9, dans Surat Az-Zumar, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Est-ce qu'ils sont égaux tous les deux? C'est uniquement ceux qui détiennent la raison qui peuvent se rappeler. Donc ceux, hein, Allah Azza wa Jal, il ne considère pas égaux ceux qui savent, qui détiennent la raison et qui comprennent et qui connaissent, hein, la religion, et ceux qui sont ignorants. L'ignorance n'est pas équivalente à la science, hein, bien au contraire. Et les salafs de cette umma ont reconnu la valeur et le statut et l'importance des ulama, en commençant par les sahaba, hein, puisque Allah Azza wa Jal leur a fait comprendre l'importance de cette religion et de la foi, et par conséquent l'importance des ulama, c'est-à-dire ceux qui ont porté cette religion-là et qui ont la connaissance de cette religion-là. Et le témoignage de ce que Allah a mentionné par rapport aux ulama dans le Coran et dans la Sunna au sujet du degré des ulama, eh bien, c'est ce qui nous fait connaître en réalité leur niveau et leur degré élevé. Et lorsque les gens ignorent le statut des ulama et leur importance, eh bien, c'est à ce moment-là que la Ummah est sous la menace de la perdition et de l'égarement. C'est-à-dire que si cette Ummah, elle dénigre ses ulama, eh bien, cela signifie que la religion en elle-même est devenue insignifiante pour eux. Ou elle est devenue, la religion elle-même devient quelque chose qui a peu de valeur pour la Umma, s'ils dénigrent leur ulama. Et s'ils critiquent, ou ils attaquent, ou ils insultent, hein, leur ulama, eh bien, ça signifie qu'ils n'ont pas de respect pour cette religion-là. Donc, celui qui se permet de dénigrer, de critiquer ou de rabaisser les ulama, hein, eh bien, ça veut dire qu'il est en train de détourner les gens de la religion d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il ne reconnaît pas le degré important et le respect qui revient aux hommes de science. Et donc, Allah Azza wa Jal, il a mentionné dans le Coran l'importance de même voyager pour aller obtenir la science et pour obtenir la religion, comme il le mentionne dans le verset 122 dans Surat At-Tawbah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. Donc il doit y avoir de chaque partie, de chaque groupe, des gens, hein, un groupe de personnes qui vont rechercher la science de la religion pour avertir leur peuple. Et les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils quittaient les différentes régions desquelles ils étaient dans la péninsule arabe pour aller à Médine, pour aller étudier et apprendre l'islam avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a vu plein d'exemples de ça. La délégation de Abdul Qais, qui sont venus justement rencontrer le messager d'Allah, Azza wa Jal, comme c'est rapporté par les compagnons. Et beaucoup d'autres groupes, et beaucoup d'autres, hein, jeunes qui sont partis à Médine, qui ont quitté différentes parties de l'Arabie, et même parfois à l'extérieur de l'Arabie à l'époque, pour venir rencontrer le messager d'Allah Azza wa Jal en personne et apprendre de lui cette religion. Et donc ça nous montre l'importance. Et cette sunna, Hein? Cette sunna qui est mentionnée justement dans le Coran à ce sujet-là, de voyager pour acquérir le savoir, c'est une sunna qui est restée dans la umma de l'islam. Puisque pendant des siècles, les gens ont voyagé de l'est à l'ouest, hein, pour aller en quête du savoir et de la connaissance de l'islam, et pour pouvoir enseigner les autres. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont connu l'importance et le statut des hommes de science dans cette religion-là, et le degré important qu'ils ont dans cette religion-là. Et si vous voyez, par exemple, à notre époque, beaucoup de gens se sont détournés de la science. Et beaucoup de gens se sont, disons, pris dans la course vers les biens et la richesse et l'argent, et le travail et la dunya. Et ils ont négligé grandement la quête du savoir de l'islam et la connaissance de la religion. Hein? Et maintenant, c'est devenu un peu, même parfois, la quête du savoir pour certains, c'est devenu quelque chose qui est comparable à la quête de la dunya pour certains. Puisque c'est la course au diplôme, c'est la course aux médailles. Donc parfois certains, ils recherchent la science de la religion pour les mêmes intentions qu'on recherche la dunya. Et ça, c'est un malheur en réalité. Allah musta'an. Et c'est pour ça que les ulama des salafs, quand ils allaient étudier l'islam, ils n'allaient pas uniquement étudier la science chez les ulama, mais ils allaient en même temps aussi étudier leur manière, leur comportement, ils prenaient d'eux non seulement la science, mais ils prenaient d'eux également l'exemple dans leur manière et dans leur morale et dans leur éthique et dans leur comportement. Et ça, c'est une chose qui, à notre époque, malheureusement, a grandement diminué parce que beaucoup de gens se limitent uniquement à étudier la religion dans des institutions qui parfois les gens qui enseignent dans ces institutions-là ne sont pas toujours au niveau des ulamas. Ils ne sont pas non plus toujours au comportement des ulamas. Ce qui fait que le résultat qu'on en retire n'est pas toujours le résultat qu'on espère, malgré qu'il n'y a pas de doute qu'il y a quand même un grand bien dans ça. N'empêche que quand on regarde l'exemple de Yahya ibn Yahya al-Naysaburi, rahimahullah, lorsqu'il est parti, il a quitté sa ville de Naysabur dans l'Orient, dans la Perse et ces régions-là, et il est parti jusqu'à Médine pour étudier avec qui? Avec Imam Udar al-Hijra, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, et il a étudié avec lui la Muwatta. Il l'a mémorisé. Et quand il a terminé, il est resté une année de plus avant de retourner à Naysabur. Et après avoir terminé la mémorisation et l'apprentissage de Al-Muwatta, il aurait dû retourner dans son pays. Mais il est resté encore une année à Médine. Et il a accompagné l'imam Malik pendant tout ce temps après avoir étudié la Muwatta avec lui. Et quand l'imam Malik lui a posé la question, لِمَاذَا بَقِيْتَ وَأَنْتَ قَدْ أَخَذْتَ طَلَبَكَ أَخَذْتَ طَلَبَتَكَ. Il dit, pourquoi t'es resté alors que tu as déjà pris ce que tu recherchais, ce que tu voulais dans la science? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْكَ الْأَخْلَاقِ. Il dit, je veux apprendre de toi les bonnes manières et le comportement des ulama. Subhanallah. Et donc, ici, le cheikh, il explique, il dit qu'il y a beaucoup d'exemples et beaucoup d'histoires qui ont été rapportées du respect que les gens avaient envers les ulama à l'époque des salafs. même parmi les khulafa, hein, les dirigeants de l'époque, ainsi que les enfants de ces khulafa, et le respect énorme qu'ils avaient envers les hommes de science et les gens de mérite. Et on le voit même dans certaines biographies, comme la biographie de Al-Rashid, un d'entre les khulafa. Il y a des exemples qui ont été mentionnés du fait que, par exemple, un d'entre les ulama qui était assis, hein, il y a un homme qui venait pour le servir, hein, pour lui verser à boire et pour lui, hein, pour le servir alors qu'il était à table. Et il a dit, je ne connais pas cette personne qui... Hein, il a dit, est-ce que tu connais... Quelqu'un lui a posé la question, connais-tu cette personne qui vient te servir et qui te verse à boire? Et il a dit, non, je ne le connais pas. Hein, ce savant a répondu, non, je ne le connais pas. Il a dit, c'est Ar-Rashid, c'est le Khalifa. Hein? Donc il venait servir le savant par respect pour la science et par respect pour la science que ce savant la possède. Hein? Alors que c'est lui le Khalifa, le dirigeant des musulmans, mais il venait servir le savant par respect pour la science qu'il possède. Et même le Cheikh Rabi, il explique même des exemples. Il dit même parmi les Khulafa, il y avait Al-Ma'moun. Hein? Comment il a agi avec certains parmi les ulama à l'époque, dans la science et dans la religion. Il dit, il dit qu'il faisait la course. Hein? Il faisait la course pour servir les ulama et pour leur venir en aide et pour leur faire du bien. Il dit, même parfois ses enfants, ils se disputaient à savoir... Hein? Qui va mettre au cheikh ou au savant, et qui va lui mettre ses chaussures. Et donc, un prenait une de ses sandales, et l'autre prenait l'autre sandale, et chacun de son côté, il lui mettait une sandale dans son pied. Parce que tous les deux voulaient avoir le mérite, hein, de montrer à son professeur, à son cheikh, ce respect-là. Donc, le cheikh, il dit, malgré... Les égarements que Al-Ma'moun a eu dans la croyance, mais il avait quand même du respect pour la science et pour les ulama. Hein? Et quand il voulait justement étudier la religion, ou quand il voulait étudier la grammaire, ou quand il voulait un professeur justement pour enseigner à ses enfants, eh bien, il lui préparait une maison avec des servants et il faisait tout pour honorer, hein, ces savants-là et leur montrer le respect qu'ils méritent. Et il dit, malgré tout ce qui a été mentionné de l'égarement de Al-Ma'moun dans la Aqida, malgré ça, il avait un respect pour les ulama et pour le comportement que ces ulama avaient. Et il a été affecté, il a été touché par ça quand même. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient éduqués avec l'éducation de ces ulama-là et qu'ils ont grandi par la suite, eh bien ce respect et cette éducation-là, elle est restée en eux même quand ils sont devenus khalifa plus tard. Et ça a eu un grand impact pour leur comportement et pour leur caractère et leur personnalité. Et donc, tout ça pour montrer que les salafs et les dirigeants de l'époque, à l'époque des salafs, ils avaient un grand respect pour les ulama et pour la science. Hein? Donc, si la umma, elle perd ces caractéristiques-là, et cesse d'honorer et de respecter ces ulama, eh bien, ça veut dire que la religion au complet risque d'être délaissée et abandonnée de la part des gens. Donc, les toulab, les étudiants en sciences, hein, et la umma en entier, y compris ses dirigeants, doivent reconnaître aux savants le degré qu'ils ont et le respect qui leur revient. Et donc, de la même manière que les gens le faisaient à l'époque, eh bien, il faut qu'ils, aujourd'hui aussi, reviennent à cet exemple des salafs dans le respect qu'ils avaient envers les ulama et l'estime qu'ils avaient d'eux et le respect qu'ils leur portaient. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne l'importance de cette science aussi dans l'exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné lorsqu'il compare l'exemple des ulama et de la science que le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu avec l'exemple d'une terre. Il compare les cœurs des hommes à la terre vis-à-vis de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ فَقَبِلَتِ الْمَاءَ فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc le cheikh il explique ce hadith là en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il compare la révélation que Allah lui a donnée à de la pluie. Et quand cette pluie-là tombe sur la terre, eh bien, si c'est une situation dans laquelle il y a de la sécheresse ou il y a de la difficulté, la terre, elle va accepter l'eau. Il y a différentes sortes de terres. Donc, il y a différentes sortes de terres et la façon dont la terre agit avec cette eau-là, elle est différente. Donc, ça reflète en même temps aussi la différence qu'il y a entre les hommes vis-à-vis de la science aussi. Et il dit que, par exemple, certaines terres, quand l'eau tombe sur cette terre, elle fait pousser des plantes. Hein? Et en même temps, elle garde de l'eau. Donc ça montre une catégorie de personnes par rapport à la science. Et une autre catégorie, c'est une terre qui ne fait pas pousser de plantes, mais qui garde l'eau. Hein? Donc, elle peut abreuver les gens de cette eau-là. Et une autre catégorie de terre qui ne garde ni l'eau et qui ne fait ni pousser des plantes. Et donc, ces trois catégories-là, le cheikh, il les explique en disant que c'est l'exemple de la révélation et de la science et comment les gens comprennent cette science. Donc, il y a une catégorie de savants et des hommes qui ont accepté la science qui vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont comprise et qui savent comment en extraire des règles et des principes et le mettre en pratique et l'enseigner aux gens. Donc, ça, c'est la bonne terre, hein, qui accepte l'eau et qui fait pousser des plantes et en même temps aussi qui abreuve les autres. Donc, c'est l'exemple des ulama qui enseignent la science, qui la mémorisent et qui l'enseignent aux autres. Et il y a une autre catégorie de gens qui font beaucoup d'efforts pour obtenir la science et pour la mémoriser, mais ils ont que très peu de compréhension eux-mêmes. Donc, ils sont capables de transmettre la science aux gens et faire profiter de cette science, mais ils n'en tirent pas le plus grand bénéfice pour eux-mêmes. Donc, ils ont un bien, mais le bien, il n'est pas aussi grand que le premier groupe qu'on a mentionné. Et puis, il y a l'autre catégorie de gens qui n'ont ni appris la religion et qui n'ont pas non plus mémorisé quoi que ce soit et qui n'ont pas par conséquent enseigné aux autres. Donc c'est comme la terre qui est nue et qui a rien dessus et qui fait rien pousser et qui garde pas de l'eau. Et donc ça nous montre un exemple de la réalité des gens et du degré des ulama et de leur importance. Et aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté selon Abi Darda, inna al-mala'ika tad'u ajnihataha li talib al-'ilm ridan bima yasna' wa inna Allah la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma' wa inna fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes les anges, ils ouvrent leurs ailes pour le talib ilm par agrément pour ce qu'ils font de chercher la science. Et le savant, le alim, le savant, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour lui à Allah. Même les poissons dans l'eau, subhanallah. Il dit, et le mérite du savant sur l'adorateur, c'est comparable au mérite de la lune par rapport à toutes les autres étoiles. Donc ça veut dire que le mérite du savant, il est grand et immense comparé à celui de l'adorateur. Et il dit ensuite que les ulama sont les héritiers des prophètes et que les prophètes n'ont pas laissé de l'or ou de l'argent en héritage, mais ils ont laissé uniquement la science. Et donc quiconque a pris de cet héritage, de cette science, alors il a pris la part la plus importante. Et donc le Cheikh Rabi', il explique, hafidhahullah, que les ulama, éducateurs, qui ont appris la religion du livre d'Allah, de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont compris cette science, et qui l'ont enseignée, et qui l'ont mis en pratique, ce sont eux les héritiers des prophètes, et non pas toute personne, comme on l'a expliqué, qui détient une science quelconque. C'est pas toute personne qui a appris la science de la religion qui est nécessairement un héritier du prophète. Il faut qu'il l'ait compris de la compréhension qui est correcte et authentique. Et il faut qu'il l'ait cru en la aqida authentique aussi. Et qu'il agisse selon cette aqida authentique. Et qu'il invite les gens à suivre cette aqida et à suivre cette religion. Ce sont eux, les ulama, qui méritent ce statut d'héritier des prophètes. Et donc, lorsqu'on comprend cela, on comprend les caractéristiques, on comprend les signes des ulama éducateurs qui adorent Allah Azza wa Jal et qui enseignent la religion d'Allah à l'humanité, eh bien ce sont les gens de la vérité qui ont connu le livre d'Allah, la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la personne qui cherche la science, il doit essayer de chercher, parmi les hommes de science, ceux qui ont le plus de connaissances, ceux qui ont le plus de piété, et ceux qui craignent le plus Allah, azza wa jal. Pour qu'ils puissent prendre la science avec la pratique. Avec la pratique de cette science. Et comme ça, il va non seulement apprendre la religion et la connaissance de la religion, mais il va s'imprégner en même temps aussi du comportement et de l'éducation de ce savant-là de qui il va apprendre, qui est tiré de cette connaissance de la religion qu'il possède et qu'il a appris du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers la pratique de ce savant-là, il va savoir que sa aqida, elle est authentique, que sa méthodologie elle est authentique. Et c'est donc c'est ce que le musulman il doit rechercher parce qu'il cherche le salut pour lui-même. Hein? Et il veut essayer également par la suite d'appeler les autres. Hein? D'appeler les autres à vouloir y aller justement suivre cette voie et être sauvés à leur tour. Et ça, c'est la voie des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, des ulama qui s'accrochent à la compréhension des salaf al-salih. Tandis que parfois, vous allez voir certaines attitudes de la part de certains groupes d'égarement ou de certaines sectes et la façon dont ils agissent envers leur cheikh ou envers leur imam ou envers ceux qu'ils considèrent comme étant des hommes pieux. Et vous voyez que leur éducation et leur comportement est en contradiction avec l'islam. Et comme on voit par exemple chez les soufis, hein, et comment ces gens agissent avec les chouyours, hein, certains d'entre eux même ils croient que leur cheikh a des caractéristiques divines et qu'il possède une part de l'adoration, ou qu'il a droit à l'adoration, ou qu'il possède même des caractéristiques de la rububiyya, hein, Allah al-Musta'an, et c'est ça ce qu'on constate chez beaucoup d'entre les soufis. Et donc, quand ils ont un cheikh, ils agissent avec leur cheikh, hein, comme si ce cheikh-là, il connaît le ghaib, il sait qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, que c'est lui qui contrôle l'univers, hein. Et Allah al-Musta'an. Donc il dit, Cheikh Rabi, que tu vas trouver chez certains d'entre les soufis une attitude hein, de soumission et d'adoration envers leur cheikh que tu ne vas même pas trouver chez les hindous ou chez les juifs et les chrétiens et les autres gens d'égarement. Allah al-Musta'an. Et donc tu retrouves ça dans certains exemples que le cheikh il mentionne. Ici, il parle de certains individus. Il dit l'Innabahani al-Mu'ansir, le Raïs Mahkamat al-Hukuk fi Beyrouth, ayam al-Istirmar al-Fransi, jama'a, ma sammahu bi karamat al-Aulia fi Mujalladain, yudna lahul Jabin, min kathir min al-Hikayat al-Lati fiha al-Fuhsh. Allah al-Musta'an. Il dit qu'il y a un des soufis au Liban, à Beyrouth, qui s'appelait Al-Nabahani. Et c'était le chef du tribunal des droits à Beyrouth à l'époque de la colonisation française. Il a écrit, il a rassemblé dans un livre qu'il a appelé les prodiges des Aulia, hein, le prodige des saints. Il a réuni deux volumes, il a ramassé dedans des histoires qui ont été rapportées à propos de soi-disant Aulia des soufis. Il dit il y a des choses de perversité, des choses dégoûtantes qui ont été mentionnées dans ce livre. Il dit ça fait suer le front. Il dit même qu'il y a des paroles tellement honteuses que le cheikh dit j'oserais même pas les mentionner. Et des exemples d'hérésies qui se sont introduites chez les musulmans, justement, à cause hein, de ces soufis et de ces égarements qu'ils ont. Et ça, c'est un exemple pour montrer un extrême par rapport à l'attitude de certains vis-à-vis des chouyours hein, qui sanctifient et vénèrent ceux qu'ils considèrent comme étant des awliya et qu'ils les mettent presque à des caractéristiques divines. Et tu le vois chez les soufis dans le monde entier. Que ce soit chez les différents turq, hein, Tijani, Rifa'i, Shadili, et toutes les autres. Hein, et comment ils adorent les tombes de leurs chouyours. Hein, et qu'ils font des pèlerinages à leur tombe et qu'ils les adorent en dehors d'Allah. Et tous ces exemples d'égarement comment ils font du shirk avec ces hommes-là pendant leur vie et après leur mort. Et ils disent, tu n'as pas le droit de contredire le cheikh. Hein? Il ne peut pas se tromper, il ne fait jamais d'erreur. Hein? Allah al-Musta'an. Et tu dois être avec ton cheikh comme le corps du mort, hein? Comme un cadavre devant celui qui le lave. Donc ça veut dire que tu dois avoir aucune volonté devant le cheikh, tu dois lui obéir au droit et à l'œil et croire qu'il est infaillible. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est un extrême. Et le cheikh il dit, il y a à notre époque un nouvel extrême de l'autre côté. Ceux qui n'ont aucun respect pour les ulama de l'islam et qui considèrent que d'étudier chez les ulama c'est une perte de temps. Et ils dénigrent les ulama et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des hommes de science pour comprendre la religion. Hein, ils ont cette attitude d'indépendance vis-à-vis des savants. Et ils s'imaginent que par eux-mêmes, ils vont prendre le Coran, ils vont prendre les livres de hadith, ils vont prendre les livres de la sunna, ils vont prendre les livres de fiqh, et puis ils vont étudier ça tout seul, hein, et lire ça tout seul, et comprendre la religion. Ils disent, moi j'ai pas besoin des ulama, je suis capable de comprendre moi-même, je suis capable d'apprendre tout seul, sans les ulama. Et donc ça c'est un autre extrême, et c'est un autre égarement. Et ces deux extrêmes-là sont en opposition avec la voie correcte. Hein? Allahul Musta'an. Et ça ramène des malheurs. Et on le voit à notre époque. Beaucoup de gens qui ont eu cette attitude-là sont tombés par la suite avec les Khawarij. Hein? Quand ils pensent qu'ils peuvent apprendre tout seuls et s'élever au-dessus des ulama. Le cheikh il dit ça, c'est à cause de leur orgueil. Hein? Et de leur arrogance. Ils veulent pas yani être modeste et humble et étudier avec les hommes de science parce qu'ils ont une arrogance et une fierté en eux-mêmes. Et donc le cheikh il dit l'islam c'est le juste milieu entre l'arrogance et l'humiliation totale et le fait de se rabaisser comme l'exemple des soufis. Donc la religion c'est basé sur la compréhension et sur le suivi de la révélation et le fait de suivre la sunna. Donc chaque personne est exigée, hein, on exige de chaque personne qu'il fasse un effort pour essayer yani, d'apprendre cette religion-là et de comprendre cette religion-là. Et donc il dit, tu vois par exemple chez les soufis, hein, ils ont cette exagération du suivi aveugle. Et c'est ce qui les a amenés par la suite à même appliquer ça dans les livres de fiqh. Lorsqu'ils suivent un madhhab, ils appellent au suivi aveugle du fiqh, dans le fiqh. Et ils se placent et ils s'interposent entre les élèves et le Coran et la sunna. Hein? Et ils leur interdisent parfois même de se référer aux preuves et de retourner aux preuves du Coran et de la sunna parce qu'ils disent vous devez suivre aveuglément les madahib, et qu'est-ce qui est écrit dans les livres. Et donc tu vois que certains d'entre eux, à cause de ça, ils sont tombés dans la voie des khawarij à cause de ça. Parce que quand tu regardes dans les livres de fiqh, il n'y a pas beaucoup d'entre ces livres-là qui vont mentionner les hadiths au sujet de l'obéissance des dirigeants, et les hadiths qui parlent de l'allégeance hein, au gouverneur. Parce que ça, on les retrouve spécifiquement dans les livres de hadith et les livres de aqidah qui ont été écrits par les imams du hadith. Hein? Et c'est uniquement les ulama et les imams du hadith qui ont mis et établi justement ce principe de l'obéissance aux dirigeants, un des fondements parmi les fondements de l'islam. Et ils mentionnent les hadiths et les paroles des salafs à ce sujet-là et ils concentrent hein, leur da'wah sur ça. Pour se distinguer des khawarij, pour se distinguer des rawafid, hein, et de ceux qui ne reconnaissent pas ce principe et ce fondement-là. Et donc, les soufis, d'une certaine façon, ils ont travailler et collaborer à la prolifération de la voix des Khawarij à notre époque, à cause de cette éducation qu'ils ont donnée aux gens, justement, qui les privent de connaître la Sunna et qui les privent de connaître la voix des Salaf. Hein? Parce que ça, tu peux seulement l'apprendre si tu lis les livres de la Sunna. Et si tu lis hein, les paroles des imams du hadith. Donc c'est le juste milieu hein, qu'il faut adopter. Qu'il faut adopter dans les croyances, dans les adorations, dans le comportement. Et tout doit revenir au livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tu prends des textes directement dans le sens que tu prends de la référence et des preuves de cette religion. Et c'est les ulama hein, qui nous aident justement à faire en sorte qu'on ait la bonne compréhension et qu'on puisse s'accrocher à cette religion-là de la façon correcte, selon la méthodologie des sahaba et des tabi'in et des tabi'in et des musulmans des trois premières générations. Parce que leur référence et leur source dans la croyance, dans le fiqh, hein, et dans les actions qu'ils faisaient, les adorations et le comportement, leur référence était le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui ont enseigné aux Arabes et qui ont enseigné aux différents peuples non-arabes dans leur langue. Que ce soit la langue des Berbères, ou des Romains, ou des Turcs, ou des Indiens, ou des Perses. Hein, ils leur ont enseigné le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'ils conquéraient un pays, ils éduquaient les gens sur l'éducation de revenir à Allah et de prendre la religion du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils n'ont pas dit, ah ça c'est des gens qui sont non-arabes, on va pas leur parler, on va pas leur mentionner les preuves, non. Même eux, ils leur expliquaient, selon le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et les imams de l'islam, ils ont combattu le taqlid aveugle, le suivi aveugle des madahib et des positions des ulama. Et même l'imam Ahmad, il disait, lorsque des gens voulaient suivre l'opinion de Sufyan al-Thawri, il dit, je m'étonne des gens qui connaissent l'isnad et son authenticité et qui veulent prendre la position de Sufyan et qu'ils délaissent le livre d'Allah ou qui délaissent la chaîne de transmission et son authenticité pour prendre l'opinion d'un savant parmi les imams, hein, Sufyan al-Thawri, ou n'importe quel autre imam. Et il a mentionné la parole d'Allah, le verset 63 dans Surat An-Nur, « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » C'est-à-dire qu'ils prennent garde, ceux qui contredisent son ordre, d'être frappés par une fitna, hein, du shirk, ou bien qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Hein? Et il dit, et pourtant, Soufiane, il a pris de qui? Il a pris de où? Hein? Est-ce qu'il a pris de la philosophie? Est-ce qu'il a pris des Grecs? Hein? De où est-ce qu'il a pris? De la science, de la philosophie d'Aristote ou d'Ilm al-Kalam? Non, jamais de la vie. Soufiane al-Thawri, il prenait du Coran et de la Sunna. C'est un imam parmi les imams des salafs. Hein? Il prenait de la parole d'Allah. Mais ici, hein? L'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, prends de là où eux ont pris également. C'est-à-dire que tu vas pas les suivre eux comme étant eux la preuve et comme étant eux la référence, mais plutôt tu vas retourner à leur source et à leur preuve pour savoir la vérité. Tu vas pas suivre aveuglément l'imam Malik ou l'imam Al-Awza'i ou l'imam Sufyan al-Thawri. Mais tu vas prendre de là où eux ont pris directement. Hein? Donc un tel, il comprend, et un tel, il a sa compréhension. On peut profiter de cette compréhension-là, mais il ne faut pas essayer de remplacer les textes et les preuves par les paroles de ces individus-là ou par leur déduction ou par leur jugement. Donc on respecte les imams et on aime les imams et les ulama, mais en même temps, ces ulama-là, c'est eux-mêmes qui nous ont enseigné yani, le respect des textes et le fait de ne pas placer la parole de quiconque au-dessus de la parole d'Allah et au-dessus de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ça la compréhension des salafs par rapport à cette science. Hein? Et les ulama, ils disaient, « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ » Si le hadith est authentique, c'est ça mon madhab. Donc on voit le fait de comprendre cette religion et de comprendre hein, cette méthodologie des salafs dans la question de la science, c'est ce qui amène les musulmans à être dans le juste milieu hein, et de ne pas tomber dans le fanatisme et dans l'extrémisme hein, de ceux qui ont dévié dans ces questions-là chez les soufis, chez les chiites, hein, al-Rafida, et dans d'autres groupes également comme les modernistes qui dénigrent les ulamas ou qui pensent qu'ils peuvent se passer des ulamas de la sunna, hein, Allah al-Musta'an. Ou bien ceux qui appellent au taqlid aveugle, hein, et qui pensent que on n'a pas besoin des textes, qu'il faut juste prendre les paroles des savants comme référence et délaisser les preuves. Tout ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec la voix des salafs. Et l'imam al-Shafi'i, une parole célèbre qu'il a rapportée, il disait « Ajma'at al-umma ala anna man istabanat lahu sunnah » hein, sunnata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yatrukaha li qawli ahad. Donc l'imam al-Shafi'i il disait la umma est d'accord, ils se sont tous réunis sur le principe que une fois que la sunna a été clarifiée à quelqu'un hein, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam elle t'a été clarifiée, eh bien personne tu n'as pas le droit de la délaisser pour la parole de quiconque. Hein? Donc, il faut éduquer les jeunes de cette umma sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et on cède dans cela par Allah, puis ensuite par la compréhension des imams et leur compréhension qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça ce qui est obligatoire pour les gens qui éduquent les jeunes, qui enseignent aux jeunes, hein, et de les éloigner de la position du suivi aveugle et de l'extrémisme et de l'exagération qui existe d'un côté chez les soufis et chez les chiites et chez les rafidas et également de l'attitude arrogante et orgueilleuse des khawarij qui dénigrent les ulama et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des ulama ou qu'ils peuvent se passer des ulama. Et c'est une des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement à propos des khawarij, hein, c'est de leur ignorance, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à ça lorsqu'il a mentionné à leur sujet qu'ils récitent le Coran. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وبسوء فهمهم لماذا ابتعدوا عن العلماء استكبروا وتعالوا وأنفوا أن يأخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بين أظهرهم وابن عباس وأبو موسى وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وكان الخوارج نفون أن يأخذوا منهم. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, ils récitent le Coran et ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge et ils tuent les musulmans et ils ne s'occupent pas des idolâtres. Donc qu'est-ce qui les a affectés, ces khawarij, c'est leur mauvaise compréhension de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés et éloignés des sahaba et des ulama parmi les sahaba. Ils se sont enflés d'orgueil. Hein? Ils se sont élevés au-dessus des sahaba et ils ont refusé de vouloir prendre des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait parmi eux, à cette époque-là, des grands imams et des sahaba comme Ali ibn Abi Talib, et comme Abdullah ibn Abbas et Abu Musa al-Ash'ari, et d'autres également parmi les fuqaha, les grands savants parmi les sahaba, et malgré ça, les khawarij, ils ne voulaient rien prendre d'eux, et ils se pensaient meilleurs qu'eux, dans la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une attitude qui les a amenés à s'égarer justement. Et ça on la retrouve parmi la mentalité de certains jeunes à notre époque qui justement ont été affectés par les khawarij et par conséquent ils ont fait le takfir des ulama, le takfir des dirigeants, le takfir des sociétés musulmanes. Et ils ont eu par la suite recours à la violence et à la destruction en pensant qu'ils étaient en train d'appliquer l'islam. Allah al-Musta'an. Et de l'autre côté, l'attitude fanatique et même parfois idolâtre de certains parmi les soufis qui tombent dans l'adoration des hommes et la vénération des hommes et de leurs chouyours, qui les prennent pour des divinités en dehors d'Allah, et des égaux avec Allah, et qui appellent à suivre aveuglément les ulama dans le fiqh. Et ça aussi, ça a amené des gens à tomber dans la voie des khawarij aussi. Allah al-Musta'an. Donc, il y a aussi l'attitude de ceux qu'on appelle les rationalistes ou les modernistes, qui suivent la voie des Mu'tazila. Des rationalistes de la secte des Mu'tazila qui pensent que eux avec leur raison et avec la philosophie, avec la logique, ils n'ont pas besoin de se référer aux ulama et de se référer à la compréhension des salaf. Non, eux ils pensent qu'avec la raison et la science ils sont capables de comprendre les textes de la religion mieux que tout le monde, mieux que les sahaba, mieux que les tabi'in. Et donc, ils prennent cette attitude d'indépendance vis-à-vis des ulama. Et Allah al-Musta'an, le résultat et la conclusion de ça, on l'a vu. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Des gens sont déviés parce qu'ils n'ont pas donné aux ulama le respect qui leur revient. Donc, on va s'arrêter ici avec ce qu'on a expliqué. Et j'espère que, yani, même si je sais que j'ai pas donné à son sujet toute l'importance qui lui revient, parce que c'est un sujet vraiment vaste et c'est un sujet vraiment important en même temps aussi, mais en fait j'ai fait le minimum de ce que je pouvais par rapport à ça, et donc je demande à Allah Azza wa Jal de faire preuve de clémence envers moi et d'accepter de ma part cette humble contribution. Et on espère que ça a été bénéfique pour les frères et les sœurs qui écoutent. Et on espère que également ce séminaire profite à tous les musulmans qui écoutent. Et on espère que Allah Azza wa Jal nous donne le tawfiq et le succès dans الدنيا et dans الآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.